Je marche dans mon rêve sur un chemin de pierre. Un vent mystérieux se lève, je vois mon grand-père. Que fais-tu sur terre? Je lui ai demandé. Il me regarde et me sourit et se met à chanter. Quoi bon courir, tu auras peur, tu auras froid. Tu voudras fuir les voies qui te font la vie dure. À quoi bon courir, traverser ces saisons. Sur ton sac de douleur, tu reposeras ta tête et ton cœur. À quoi bon courir, c'est écrit depuis toujours. Tu brûleras ces cahiers qui te sont si précieux. Fatigué mais heureux de tout recommencer. À nouveau te remettre à rêver. Sur un chemin de pierre, de temps le vent s'apaise, s'éloigne mon grand-père. Qu'as-tu d'autre à me dire avant de repartir? Me donne un sourire et fredonne cet air. À quoi bon courir? Musique et poésie seront toujours là près de toi. Amis des combats qui ne finissent jamais. Amis de l'espoir dans la froideur des heures. À quoi bon courir, on n'emporte rien. Mémoire de lumière, de toute petite flamme, vérité qui font les jours, tous ces mots d'amour qu'on garde à jamais au fond du cœur. Qu'on garde à jamais au fond du cœur. Je marche dans mon rêve sur un chemin de pierre, me réveille au matin pour écrire ce refrain. À quoi bon, courir? À quoi bon, courir? À quoi bon, à quoi bon courir? À quoi bon, à quoi bon, à quoi bon